100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Et c'est parti pour la nocturne juste après D-Fool avec monsieur Iqbal, TLF. Yeah. Comment va? Ça va la famille? Bah et toi? Tranquille, en pleine forme. Quelles sont les nouvelles? Bah écoute, nos limites. Hein. Nos limites. Nos limites, les nouvelles. Nos limites. C'est l'album. Ouais. On est sur l'album. On donc a ça balancé... bosse sur, ouais, sur l'album. Ouais, ouais, on a balancé. On a balancé Mourir ce soir il y a un mois. Mm-hmm. Ça se passe très, très, très bien. Beau morceau, hein. Ouais, Mourir ce soir. Merci beaucoup. On a ramené un gros clip. Avec le clip, ouais, qui va avec, les images qui vont avec. Ouais, on est au Canada, tourner deux clips là-bas. Ensuite, voilà, ça charbonne, ça arrête pas de travailler. Ça enchaîne les clips. Là, on a sorti Godzilla il y a deux jours. Mm-hmm. Ça se passe très bien, des super bons retours. Bon, c'est là pour 2015, ce sera nos limites. Ça va être nos limites, Ray. Il te reste beaucoup dessus ou c'est la finalisation là? Là, franchement, je suis en finalisation complètement master. J'attendais, la cerise sur le gâteau de Skalpovic. Mmh. Il était à Montréal, il était au Canada, on tournait Kindila. Donc il m'a mixé le titre carrément là-bas, tu vois. Et ouais. Il me l'a envoyé et là c'est bon. Et bah c'est parti donc. Non, au pire, je dois faire une petite combinaison inédite là. Ah ouais, ouais, la semaine prochaine. Avec, mais, avec. Ah, on dit rien encore. Combinaison rien. Français, un ricain. Français. Ouais. Bon, bah on suivra ça alors. Ouais, bah oui. Tu vas bientôt pouvoir balancer l'info. Bien sûr. Et là, c'est parti pour la nocturne. Il y aura un mix tout à l'heure, hein, c'est ça, réalisé par DJ Snatch. Ouais, mon DJ officiel, DJ Snatch. Tu vas nous balancer au moins une demi-heure de mix. Et c'est quoi, on trouvera quoi les morceaux de TLF. Les meilleurs couplets de TLF. D'ailleurs, il prépare un truc inédit que c'est jamais fait en France. Une mixtape vidéo de tous nos clips, plus les nouveaux clips, etc., qui sortira la semaine prochaine sur mon Facebook, TLF officiel. Voilà, et voilà, il va nous mixer ça pendant une demi-heure. Là. Et bah ce sera tout à l'heure, ouais. Là, on va débuter avec quoi? Avec des extraits, bah le fameux Godzilla. Ouais, on va balancer Mourir ce soir. Mourir ce soir. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. Voilà, on est vendredi soir. Les démons se réveillent. Mettez-vous bien. La rue, elle est là. Mettez-vous bien dans les bagnoles, en bas de chez vous à la maison. Voilà, tous les quartiers de province, de France. Voilà, on est là. Allez, c'est parti, coup d'envoi. La nocturne 100% rap français. Iqbal au contrôle de la nocturne. Planète rap. 100% rap français. Tous les gens jeunes, pour les vrais, TLF de retour. On n'est jamais parti, y'a que la musique qui était pas là. Ma meilleure punchline, tu l'entendras quand je t'aurai tiré dessus. Spécial pour tous les quartiers de France. TLF, talent fâché. Le seul, le vrai de vrai. L'unique TLF, frère. Rien à foutre de ce qui peut m'arriver. Je dois mourir ce soir. De toute façon, je suis grillé. Ma réalité, mon pire cauchemar. Pour m'évader, je le défonce toute la night. Toute la night, je danse avec mes démons toute la night. Toute la night, pour m'évader, je me défonce toute la night. Toute la night, je danse avec mes démons toute la night. Toute la night, toute la night. Rachid a réussi son coup. Plus que refait, l'animal est sorti pour dépenser, s'élever, habitué au cercle de jeu. Aider par atteint, pour lui c'est simple. La vie se résume à cash, monnaie blonde au gros ins. Un qui rince, fait le bras chat. Dans cette fille qu'on nomme Natacha. Aguicheuse, gogo danseuse, pulpeuse, attirée par les gros machins. Il se voit déjà dans sa chambre, en sueur entre ses jambes. Elle incite à finir la soirée chez elle. HLM parisien, porte de la chapelle. Mais v'là à peine, rentrer dans l'appart que les choses se gâtent. Sur son crâne, une bouteille éclate. Il est 4 du mat, personne imagine ce qui se trame. Derrière ses murs, Rachid se fait des membres et découpé en 4. Pour finir au fond d'Allah comme une ordure. Natacha prend la fuite, ses rapports dans la nature. Maléfique créature en parésie, le diable prend des talons aiguilles. On paye le mal par le mal, poto, rien n'est gratuit. On paye le mal par le mal, poto, rien n'est gratuit. Rien à foutre de ce qui peut m'arriver. Même si je dois mourir ce soir. Spécial pour Khalifa, Nordine, bisous. DJ Snatch. La réalité, mon pire cauchemar. Pour m'évader, je me défonce toute la night. Toute la night, je danse avec mes démons toute la night. Toute la night, pour m'évader, je me défonce toute la night. Toute la night, je danse avec mes démons toute la night. Toute la night. Un commando, c'est réuni hors de la ville. Pareil pour un gros braco, alarme de guerre, l'ustensile, pour casse du siècle, grosse équipe, à sa tête, toutes les équipes, elle endurcie, s'appelle Milan, alias Vitry, son profil, un homme discret, au lourd passé, qui a purgé plus de 10 années, pour des attaques à ma armée, ah oui, puis je l'ai vu ses parents se faire fumer, il lui reste comme seule famille sa sœur jumelle. Cherchez-vous, Milan a besoin d'un chauffeur. Fait appel à Rachid, un homme de Malagache. C'est facile, ils ont vécu depuis dans la même cellule. A fleuri Mérogis, ne pas cacher pas sa merveille au capé. Ces gros paquets d'oseilles à partager. Tous les frères enfermés, Nassim. Mais Rachid voit les choses autrement, attend le bon moment. Moussa, on remet. J'ai tout raflé, ça rage. Maléfique créature dans ton équipe, cache le pire de tes ennemis. On paye le mal par le mal, pour tout rien n'est gratuit. On paye le mal par le mal, pour tout rien n'est gratuit. Surtout pareil. T'as la foudre de ce qui peut m'arriver. Même si je dois mourir ce soir, elles sont à fond dans ta caisse. De toute façon je suis grillé. C'est un nocturne spécial Télèbre. Ma réalité, mon pire cauchemar. Pour m'évader je me défonce toute la night. Toute la night. Je danse avec mes démons toute la night. Toute la night. Pour m'évader je me défonce toute la night. Elles sont à fond dans ta cellule, dans ta caisse. Toute la night, toute la night, toute la night. T'élève 100% rap français. 100% explicit lyrics. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Hey, c'est Godzilla, hey. Le clip est sorti il y a deux jours. Allez le voir sur ma chaîne YouTube Talent Fâché Record. Facebook t'élève. Les baisse, les baisse. Lève 4, big up à Paris. Les Loli, mais. Loli, mais. Adel, Shaoui. Stos. 9-4, 9-4. Kika, Flux. Kika, t'élève, déjà, t'élève. Trop, trop, trop dangereux, trop dangereux. Kika, découpe le game en deux. Trop dangereux, trop dangereux. Je les baisse comme c'est ce mon bleu. Réveiller l'animal, il devient agressif. RS4, plaque et nos limites. La rue m'attendait comme un retour du riff. C'est l'impression de vivre et je résiste. Trop, trop, trop, trop dangereux, trop dangereux. Trop de salopes, trop de séances en jeu. Trop dangereux, trop dangereux. Et c'est lui que tu vas pas faire long feu. Réveiller l'animal et devient agressif. RS4 plaque et nos limites. La rue m'attendait comme un retour du riff. C'est l'impression de vivre et je résiste. Fidèle au poste comme Ryan Giggs. Ika, dans le sud, grand banditisme. Reprends du service pour le casse du sec. Enchaîne série traction, pompe et dips. J'prends la belle vie par tous les orifices. Mais fais le convoi, là ça c'est émotion explosive. J'les encule au plastique, j'te parle pas de Manix. Big up, Ferrara, Red on Fahit. C'est le grand kiff quand tout se passe sans agro. Ma vie est tellement bonne qu'au réveil j'ai le barreau. Suite impériale, casino Las Vegas. J'ai la quinte, j'ai mis tout sur une verdasse. Le film de leur vie, c'est mon teaser. Fourgon blindé, Brinks dans le viseur. Mon crime tourne en boucle dans ton téléviseur. Moi j'esquive les pères qui, je rentre après 6 heures. Je m'en vais toucher le sel, toucher le fond. Toujours être au charbon, même quand ça sentait le ballon. Sur moi il débelle, azeul. Et je les baise, demande à Fares. Fares, je les laisse faire un peu ouais, de trop mitonné. Sortez les drones, fumez, je crains personne. Je vais tous les fumer. Rupture de stock pour les pompes funèbres. Trop dangereux, Kika découpe le game en deux. Trop dangereux, trop dangereux. Je les baise comme ces hommes en bleu. Réveiller l'animal, il devient agressif. RS4 plaque et nos limites. La rue m'attendait comme un retour du riff. C'est l'imprimeur de vitrine, je récite. Trop dangereux. Trop de salopes, trop de séries en jeu. Trop dangereux, trop dangereux. Reste tranquille, tu vas tous mes frérots de trois. Réveiller l'animal, il devient agressif. Mais dis RS4 plaque et nos limites. Tous mes charbonneurs. La rue m'attendait comme un retour du riff. C'est l'imprimeur de vitrine, je récite. Dealer, qu'on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Des terres en bas des tours, c'est nos limites. Nos limites. Nos limites. Nos limites. Crac, coquet, chier. Roue arrière devant les chemises. Local, le cas, monsieur, meca, mécra, le fra, vodka, pulcra, mécra, calage, coca, par balle ou pas, tu crèveras mon gras. Va. Du bénéf, plus que ces enculés, je dois faire du bénéf. Je les baisse. Où sont mes ennemis que je les crève. Je suis passé des barrettes de frappe au litron 16. Au litron 16. J'oublierai jamais les frères qui m'ont poussé des ballons quand j'étais en putain de hesse. Please. 20 kilos de colombie, 19ème. Pas pour de la merde, Harry, c'est vrai que j'ai plus bibi. J'ai un quartier dans les frères, j'ai mon industrie. Black, péricrypté, black, max, faut s'agripper. 45 AMG, c'est là, je tire le frein à main. Dérapage sur la vue du 183 Vitry. Qui va dire quoi que ce soit, hein? J'ai peut-être bouffé plus de merde que toi. Abdou, Robespierre, MMA 1143. Portez vos couilles au lieu de parler trop, sur moi. Trop dangereux, trop dangereux. Ika des coups plus démondeux. Trop dangereux, trop dangereux. Je les baisse comme ces hommes en bleu. Réveiller l'animal, il devient agressif. RS4 plaque et nos limites. La rue m'attendait comme un retour du rire. Tel un braqueur de Vitry, je récidive. Trop dangereux, trop dangereux. Trop de salopes, trop d'oseillants jeu. Trop dangereux, trop dangereux. Reste tranquille, tu vas pas faire long feu. Réveiller l'animal, il devient agressif. RS4 plaque et nos limites. La rue m'attendait comme un retour du rire. Tel un braqueur de Vitry, je récidive. Ah. J'ai baissé les baisses. Je les baisse, je les baisse. Nos limites. 9-4, tous les quartiers, tous les terrains. Mes frérots de 3 à midi. Yeah. Foufou. Belfort, Lille, Adib Bilon. C'est la Nocturne et c'est TLF Iqbal au contrôle de la Nocturne. Avec donc ce morceau, ça y est, le clip depuis deux jours, hein, tu l'as balancé. Ouais. Très très bon retour. Voilà, c'est. Petit retour aux sources. Et d'ailleurs, j'ai demandé, ça va être ça, la tonalité aussi de l'album, ça va être ces genres de sons, il y aura aussi des choses différentes. Il y aura beaucoup de choses différentes, on va dire. Ouais, il faut aller. T'as vu, c'est tout, c'est normal. Le rap, il vient de la rue. Mmh. Faut donner du street. Faut faire plaisir aux frais, c'est eux qui te poussent. Il évolue tout comme TLF aussi qui a évolué. Il y a eu différentes périodes. Voilà, différentes périodes, mais toujours eu un capitaine à bord. Qui a toujours géré le navire. Et le capitaine est là. Il est jamais parti, il est toujours là. C'est pour ça que j'ai gardé TLF. Et bah, voilà, TLF. C'est le vrai, l'unique TLF, Talent Fâché. Voilà, on va rappeler aussi qu'à l'origine, évidemment, c'était des compiles. Talent Fâché, tu réunissais tout le rap français. Hein. Ouais, tout le rap français me connaît, je connais tout le rap français. Ouais, c'est ça. Ouais. Et passer par tes compiles. Il y aura d'ailleurs pour 2015-2016 un projet. Ouais. Talent Fâché 5, génération. Ça va être des générations confondues. Le choc des générations plutôt. Mmh. Voilà, on est dessus. Donc t'es aussi. On a appelé pas mal d'artistes. On va revenir, je pense, c'est la meilleure compile 2015. Voilà, après l'album No Limit qui sortira mars. Mars 2015. Voilà, on va finir la compile derrière. On va essayer de faire un vrai bordel. De toute façon, Talent Fâché, ça a longtemps été copié, mais jamais égalé. Toujours un capitaine à bord. Toujours le même. Il est là. Fidèle. Toujours fidèle au poste, Ray. Ça bon, bouge pas. Avant d'avoir le mix de Snatch. Des girouettes, ils partent, ils reviennent. Nous, on reste là, on bouge pas. Toujours les mêmes. On part sur quoi maintenant, Iqbal, comme morceau? Vas-y, je voulais que tu me balances un titre qui s'appelle Vrai de Vrai. Mmh. Ouais. Vrai de Vrai, on a sorti, c'est un titre hors série. On l'a sorti au mois de septembre, ça avait beaucoup plu. Voilà, c'est un petit morceau où une bonne écriture dessus, pas mal de punchlines. Voilà, écoutez ça. Allez, c'est parti. Vrai de vrai. Vrai de vrai, maintenant dans la nature. 100% rap le français. Vrai, l'unique. Voyou. Tous les charbonneurs, tous les vrais. Tu es la vie. Est-ce que c'est qu'un bonhomme? Chaque jour que je fais, je le consacre pour ma mif. Je suis devenu ce que j'ai pu, j'ai imposé ma griffe. Tous les frérots enfermés. Tout ce que je te raconte, c'est rien d'autre que ma hive. Je débranche pas alléger leur souffrance, euthanasie. Ma vision est aussi vaste que l'Asie. J'ai baisé la vie, mon pif, je l'ai eu à la sueur, mais claoui. Je suis de l'école dans la rue, le showbiz ne m'a pas eu. J'ai fleuri sur terre brûlée en arrosant l'espoir. Je suis un rêve pour certains, pour d'autres un cauchemar. Sorti de placard, mais pas sorti d'affaires. Au bord de la crise, on jette dans les chutes de l'enfer. Qui veut me voir siper sous terre n'a pas fini de m'entendre. On ne m'a pas appris à aimer, ma tour est dure en cendres. À l'allure des balles sifflantes, des arrestations violentes. Ghetto YouTube progresse, que j'en vis à des ans. La vérité n'a qu'une voix, tout niquer, je n'ai pas choix. Ces FDP veulent te dérouter quand t'es sur la bonne voie. Le cul entre la lune et la tombe. Je garde un œil sur le rétro, l'autre sur ma montre. Durer la vie, malgré tout on y arrive. Et je le consacre pour ma mif. J'suis devenu ce que j'ai pu, j'ai imposé ma griffe. Tout ce que je te raconte, c'est rien d'autre que ma hif. Y'a que c'est chaud. On avance, on ne cesse d'y croire. Tout le monde fait ensemble jusqu'au bout de la victoire. Mon omniprésence dérange, j'suis persona non grata. Leur trône, c'est leur chiotte. Demande à Tata, j'm'arrête que pour la salade. musicalement malade. Un jour j'arrêterai pour me recueillir sur le mont Arafat. Je n'ai qu'une parole comme Sosa. Franche, revanche tard, tranche-moi la tête et repoussera aussitôt. Petit bâtard, remontée fulgurante. Je te vois défigurant, je n'ai pas de concurrent et je me range que dans mon rang. Plus dur sera la vie, plus belle sera la mort. Le jour de mon enterrement sera certifié disque d'or. Je fais prier ma négritude, Ika Césaire s'endort. Je kick sale sur cet instru pendant que mes gosses s'endorment. Autodidacte, je n'ai pas de mentor. Les flammes en rose finissent dans la gorge des alligators. Je sais ce que c'est d'exister dans l'ombre de quelqu'un. Charbonne 100 fois plus que vous, tel est mon destin. Durer la vie, malgré tout on y arrive. Chaque jour que je fais, je le consacre pour ma mise. J'ai devenu ce que j'ai pu, j'ai imposé ma griffe. Tout ce que je te raconte, c'est rien d'autre que ma vie. La vie c'est chaud. On avance, on ne cesse d'y croire. Tout le monde fait ensemble jusqu'au bout de la victoire. Car j'ai grandi dans la zone, l'homme laser mis en prison. La jalousie et l'envie détruit les cœurs des hommes. Plus chaude sera l'embrouille, plus froide sera la vengeance. Les frères disparaissent trop tôt, comme ces étoiles filantes. Trahison, déception, m'ont rendu parano. Fidèle comme Provenzano, rien à me reprocher, je suis bien dans mes Galliano. Mon ego me satisfait, pique à casse sous clé. J'tape dur, aucun morceau n'est bâclé. Producteur, éditeur de mon succès. Grillé de Marseille à Bruxelles. Les ghetto youth récitent mes textes. Le soir fond dans leur caisse. Du nord au sud, l'est à l'ouest. Partout le malaise progresse. Roule ton joint, laisse-moi faire le durer reste. Durer ma vie, malgré tout on y arrive. Chaque jour que je fais, je le consacre pour ma vie. J'suis devenu ce que j'ai pu, j'ai imposé ma griffe. Tout ce que je te raconte, c'est rien d'autre que ma vie. Bien que c'est chaud. On ne cesse d'y croire, tout le monde fait ensemble jusqu'au bout de la victoire. 100% rap français, planète rap. La nocturne. 2015, on refait les choses bien gros. Big up, Biak, Bibi, on est. Chaque nouvelle année, on fait les choses bien. Chaque album, on fait les choses bien. On vous remet ça. Eh oui. Faut compter sur tes lèvres, 2015, fait les choses bien. Faites nos limites, Ika-i. Ika-i. Encore un nouveau son, un nouveau projet. Comme la section, ils apogées. Tu peux déloger les kings du ghetto. Chaque occasion est bonne pour l'arroser. Va tout casser, plein l'engin, ils vont être dépassés. T'imagines pas tout le bif qu'on va ramasser. Tiens bien ton équipe, on va la terrasser. Toujours bien rasé, bien swagué. Comme on dit, j'ai ridic, on est bien placé. Des mal et festivités, cette nuit durera une éternité. Tu me cherches au fond du coin VIP. Tu vois pas, fais semblant d'être alcoolisé. Tous perchés comme des chimpanzés. De Saint-Tropez aux Champs-Élysées. Notre vie est nocturne pour toute la nuit. Toute la nuit, on n'a pas toute la vie. Sors la matuque, on la dégoupille. Nous on baisse tout pendant que tu roupies. Nouveau nume, nouvelle groupie. Sur mon gros sub, check ton booty. Je te le dis en comme moyen, check ton doofy. Fais les choses bien, font tes soucis. Le week-end entier, on fait les choses bien. Chaque album, on fait les choses bien. Nouvelle année, on fait les choses bien. Ton ami, on fait les choses bien. On fait les choses bien, on fait les choses bien. Nous c'est du chat, et c'est du cannibal. On fait les choses bien, montre un joli vigneux. Célébrer la gagne, consommer. J'ai l'impression que les vrais valides. Tu domines la ligue, c'est du gros calibre. T'allumes la tête, pire que la 8. La coupe est pleine, faut que je la vide. On te neutralise mieux qu'Astasia. Au Libertalia, j'ai vu le boule de ta sœur. Je pèse la vie, la mort me fait pas peur. On fait les choses bien, c'est le son des vainqueurs. Pour mes braqueurs, les big graveurs qui squattent pas les mêmes parquets que Tony Parker. Talent fâché, j'ai mis au monde des rappeurs. Alzheimer, t'oublies qui est ton phaser. Il pleut des billets, il pleut des billets. Tu lui connais, n'a jamais eu peur de se mouiller. Même millionnaire, je sais jamais rassasier. Sur moi, il pleut un fusil par des aigris. Dans carré des culs bombés. Coke shit, t'es coulé, on va flamber. Te frotte pas, nous, tu vas te faire plomber. Rafale et un Brinks, c'est le plan B. Laisse tomber, écarte-toi de l'as, espèce de macabre. J'suis de bon poil comme dirait mon barbier. Écarte-toi de l'as, écarte-toi de l'as. Le week-end en pleurs, on fait les choses bien. On fait les choses bien. On fait les choses bien. On fait les choses bien. On fait les choses bien. On fait les choses bien. On fait du chat, on se met bien. On fait les choses bien. On fait les choses bien. On célèbre la gagne, on se met bien. Tel est phénoménal, tel est phénoménal, welcome to the matrice. Ici les manches pères font les nouveaux riches. Fais les choses bien, remballe-moi ces vieilles bitches. Arrête tes bêtises, t'éclate même sous cuite. 11 mois dans le haram, faire les choses bien, t'attends Ramadan. La chétane, c'est étrange, chien comme un cubain de la vanne. Petite crasseuse, mais avec une douche de champagne. Le week-end en club, on fait les choses bien. Chaque album, on fait les choses bien. Nouvelle année, on fait les choses bien. Ton birthday, on fait les choses bien. On fait fait les choses bien, on fait les choses bien. Il nous fait du char, on lui donne bien. On fait les choses bien, on fait les choses bien. C'est la Skyrun, on se met bien. Et dans le club, on fait les choses bien. Mode nocturne, on fait les choses bien. Une nouvelle année, on fait les choses bien. Ton birthday, on fait les choses bien. On fait les choses bien, on fait les choses bien. Il nous fait du char, on lui donne bien. On fait les choses bien, on fait les choses bien. Célébrer la gagne, on se met bien. Elle est phénoménale. Elle est phénoménale. Elle est phénoménale. Elle est phénoménale. Elle est phénoménale. Elle est phénoménale. Elle est phénoménale. Elle est phénoménale. Elle est phénoménale. On vous remet ça. On vous remet ça. 2015, l'album arrive. C'est en 2015. Il faudra attendre la sortie de No Limits. C'est TLF sur Skyrock dans la nocturne. 100% rap français. Le morceau qui s'appelle On refait les choses bien. On refait les choses bien. Il y a la marque aussi No Limits Paris. Il y a le site. Faut aller direct, vous choper les t-shirts. La collection hiver, elle arrive. Bonnet, bob, pull. No Limits Paris Store.com. C'est ce que t'as lancé aussi dans la nouvelle marque. Ouais, on a lancé la marque, une boutique en ligne. Ça se passe très très bien. Mm-hmm. Donc allez-y tous. No Limits Paris Store.com. Donc ouais. Plein de projets pour cette année 2015 en fait. Hein. Voilà. Et la scène un peu aussi prévue. Ouais, ouais, on a une date à Lille. Là, on était à Mulhouse. On était. On était où déjà? On a fait un truc sur Paris aussi au Garden Club. Voilà, on a pas mal de trucs. On tourne. Et la nocturne 100% rap français, on part sur quoi? Tout à l'heure, il y a un mix hein, qui est préparé par DJ Snatch. Ouais. Qui est en train de se chauffer, mix pour une retrouver. Une demi-heure de TLF. Voilà, ça donc, fait bien longtemps que j'ai pas entendu du pur son comme ça. Pour les plus anciens, préparez les cassettes. Et les petits nouveaux, écoutez ça, c'est quoi TLF? Et préparez-vous à recorder et à balancer aussi sur le net juste après. On part sur quoi là comme morceau, Iqbal? Bah, on peut partir sur un morceau que je kiffe vraiment, parce que j'ai plus trop le temps là, tant si. Tic Tac. Tic Tac. Ouais, ouais, Tic Tac, j'ai plus le temps, ouais. Eh bah, c'est parti, Tic Tac. Pour mon frère Oshaoui Adel, pour tous les Chaoui, tous les Kabyles, tous les frères qui supportent TLF. C'est la nocturne, et c'est Tic Tac. Boulette! Tic-tac, tic-tac, tic-tac, j'ai plus le temps. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, j'ai plus le temps. L'heure tourne comme la roue, j'frappe à sauter mon tour. L'heure tourne comme la roue, j'frappe à sauter mon tour. Et je me garde des sentiments, j'ai l'avenir qui m'attend. Les minutes passent trop vite, j'profite même pas de mon temps. Dédicace au temps perdu, me noter sur un banc. J'ai la clé de la réussite, j'suis là pour marquer mon temps. Et je me garde des sentiments, j'ai l'avenir qui m'attend. Les minutes passent trop vite, j'profite même pas de mon temps. Dédicace au temps perdu, me noter sur un banc. J'ai la clé de la réussite, j'suis là pour marquer mon temps. L'heure tourne comme la route, j'vois pas sauter mon toit. L'heure tourne comme la route, j'vois pas sauter mon toit. Tic tac, tic tac, tic tac, j'ai plus le temps. Tic tac, tic tac, tic tac, j'ai plus le temps. Chacun sa chance comme à la roulette. Le placard est un boulet accroché à la cheville de la liberté. Une pensée pour poulet. Et tous les autres qui font du trafic par la fenêtre. Le temps est précieux, le lumière s'écoule sur une Rolex. Autant perdu depuis le collège. À ces polocasses qui m'ont frôlé, mon passé est trollé. À toutes ces journées écoulées, à rien faire à tourner. À défaut de croire que ça allait payer. À ce qui paraît le crime paie. Ma bite demande à ceux qui sont isolés. Compris petit, puis j'ai plein de monde. Comme ma dite, cavale fusillade déconditionnée. Hôpital gardable, dépôt ta vie c'est saucissonné. Trop d'affection pour la monnaie. La rue t'a aiguisé, t'as aimé, t'as baisé. T'es devenu la risée du quartier, pourtant tu pesais. Des grands se mangent des steaks par les petits qui vendent la cesse. Investissent dans ce roquette, mitraillette, rien les arrête. Tu veux jouer à la balle? On te fume au premier set, ok t'as trop la dalle. Mais y'a rien pour toi dans mon assiette. Je me garde des sentiments, j'ai l'avenir qui m'attend. Les minutes passent trop vite, j'profite même pas de mon temps. Dédicace au temps perdu, me noter sur un banc. J'ai la clé de la réussite, tu l'as pour marquer mon temps. Je me garde des sentiments, j'ai l'avenir qui m'attend. Les minutes passent trop vite, j'profite même pas de mon temps. Dédicace au temps perdu, me noter sur un banc. J'ai la clé de la réussite, tu l'as pour marquer mon temps. L'heure tourne comme la route, j'vois pas sauter mon toit. L'heure tourne comme la route, j'vois pas sauter mon toit. Tic tac, tic tac, tic tac, j'ai plus le temps. Tic tac, tic tac, tic tac, j'ai plus le temps. J'me suis pas arraché la vie à la naissance de ma fille. J'ai même plus le temps pour moi-même, j'te jure sur le biberon mon sevi. Plus le temps passe, plus les choses s'amplifient, faut qu'on trace. Le monde est loin d'être si petit, y'a un contraste. Entre ce qui vit et ce qui glorifie. Pas besoin de ton amour, celui de ma mia me suffit. Je suis l'architecte, surtout je me construis. J'assume le choix de me séparer de lui. Les frais continuent, avant les plus hauts. Ce plus le préau, peu importe la météo. Toujours le même négro, eh ouais frérot. La vie nous joue des tours. chaud, nous détend de l'essentiel. J'huile mon potentiel, mais viens pas de tête. De feu d'artifice, tu t'étincelles. J'déduis mon vécu, mon présent se presse sans cesse stress. Dans 28 ans, je tiens plus inquiétant. À le peu la trentaine, j'prends la force pour mon temps. T'élèves, que tu me gardes les sentiments. J'ai l'avenir qui m'attend. Les minutes passent trop vite, j'profite même pas de mon temps. Dédicace au temps perdu, me noter sur un banc. J'ai la clé de la réussite, j'suis là pour marquer mon temps. Que tu me gardes les sentiments, j'ai l'avenir qui m'attend. Les minutes passent trop vite, j'profite même pas de mon temps. Dédicace au temps perdu, me noter sur un banc. J'ai la clé de la réussite, j'suis là pour marquer mon temps. Que tu me gardes les sentiments, j'ai l'avenir qui m'attend. Les minutes passent trop vite, j'profite même pas de mon temps. Dédicace au temps perdu, me noter sur un banc. J'ai la clé de la réussite, j'suis là pour marquer mon temps. Que tu me gardes les sentiments, j'ai l'avenir qui m'attend. Les minutes passent trop vite, j'profite même pas de mon temps. Dédicace au temps perdu, me noter sur un banc. J'ai la clé de la réussite, j'suis là pour marquer mon temps. L'heure tourne comme la route, j'dois pas sauter mon tour. L'heure tourne comme la route, j'dois pas sauter mon tour. Tic tac, tic tac, tic tac, j'ai plus le temps. Tic tac, tic tac, tic tac, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, gros, j'ai plus le temps. Le compte à bourre est lancé depuis longtemps. N'a qu'une seule vie pour un million de rêves. C'est TLF, enculé, TLF. La vie n'a que la mort à t'offrir. Ouais, ouais. Charbonne comme je respire. I-K-P-A-L, y'a tout pas, pas tout mort, pas. Fucking man, 19ème, R-O-H-D-Z, guys, BSM, j'ai plus le temps. 100% rap français, planète rap. La nocturne. FG, c'est tabellisé. Ah, c'est le frérot Digneux. VSS. Digneux sur scène, 9-1. La relève du 9-1, gros. Play au game. Je vais déplumer tous ces keufs en faire du tandoori. Mielleux me rend festif, ça je te le garantis. Ta copine fait la coquine, qu'elle suce mon brochis. Leur vie à l'odorat du curry, tu chies des calomnies. Je vais te faire boire la tasse et déguster ton vomi. Mielleux, tu fais le show devant les keufs, tu cales la comédie. L'argent n'est que ma victime, c'est ma meilleure bêtise. Tu peux faire le tour du monde, on t'aura comme promis. Rien n'est gratuit dans cette vie, fuck you pay me. Ma vie manquait de caractère, j'ai sorti la sortie. Je vais pas sucer ou faire semblant pour faire un film. Le Jack t'a mis des patates et Daniel t'a drogué. Le police de proximité se mange que des cunis. Fourrer la vie, c'est un plaisir pour mes OG. D'un boisson aromatisé te fait pousser des glaouis. Miel-le. Fais du cargo miel sous ma flûte. Miel-le. Y'a de la femme qui streamousse. Miel-le. Bang, bang. Miel-le. Bang, bang. Mais nous aillons sur OP. Miel-le. Bang, bang. Des caveux sur le t-shirt avec tout ça. Miel-le. Le miel coule à flot, ce sens ça va se défoncer. Le coup rempli, tous ces orifices on va décaper. 9-1. Le peuple, que des moutons, les députés sont les bergers. Fléau, ce que tu vois à la télé, la propagande pour nous diviser. Comme Ragnar Lodbrok, je ne fais que la roguée. Que la roguée. Bouteille de lemier, dans ton cul, c'est un aigrier. Rien à foutre de zouké, si les poches sont trouées. À la fin de la soirée, dis-toi qu'elle s'est barrée. Tu gères ta carrière comme au Lord de base des Français. La clim. Tu t'es fait rouler par ces idées sordides de tout un couronné. 19ème. Sonnez la cloche quand mon négro Enzo est arrivé. Assou, n'aie pas patient, écartez toutes vos fessiers. Rien à trop fou tant que les poches sont remplies par les billets. Et salut. Le temps c'est de l'oseille, mais je peux pas l'acheter. Monte là, joli. Le rap se fait mariner par cette bande de PD. Ils ont dépucelé le rap game, moi je viens pour les vendre. Brilleux. Miel-le. Miel-le. Du cargo miel sous ma flûte. Miel-le. Y'a de la femme qui streamousse. Miel-le. Bang, bang. Miel-le. Bang, bang. Les moussaillons sont en paix. Miel-le. Bang, bang. Des caveux sur le t-shirt avec tout ça. Miel-le. Mets-le. Hey, c'est l'homme con. C'est le frérot. Play au gang. Digne sur scène, ça arrive lourd. Gros projet. Big up et c'est du cannibal. Oui, oui, oui. Aïe. Ça arrête plus. Ouais, ouais. C'est la nocturne 100% rap français. Ça, c'était le frérot. Alors, qui est à côté de moi, à ma droite. Fléau Gang. Fléau Gang qui vient d'où? Vigneux-sur-Seine. Ouais. Il va se présenter lui-même. Ah, Fléau, faut mettre le casque. Vas-y, mets le casque. Ça va bien? Ouais, ça va, toi, tranquille. Bah, écoute, en forme. Petite présentation, petit CV express alors. Ouais, Fléau Gang, 91, Vigneux-sur-Seine. Et bah voilà, on est avec le frérot Ika, TLF. Il nous donne la force, on est là pour lui, pareil. C'est. Et alors toi, t'as quoi? T'as un projet qui arrive? On peut te suivre pour avoir des infos sur le net quelque part? Moi, pas vraiment, mais j'envoie des sons, des clips et on suit. C'est le nouvel album de Ika, TLF et après. Les sons, voilà. Mon projet, ouais. Nous, on arrive tranquillement, on fait des sons, des clips et quand ça pète, bah ça pètera. C'est le cannibal qui est là aussi. Des petits sons mielleux, comme on l'écoutait à l'instant. Voilà, c'est ça. Celui-ci, on peut le retrouver sur le net, celui-ci, c'est ça? Mielleux, il a été clippé et bientôt, ouais, on peut le retrouver sur le net, voilà. Et là, le morceau s'appelait Mielleux. À ma gauche, il y a Célie. Et Célie Cannibal montre la jolie, beaucoup le connaissent. Ouais. Comment ça va? Bang, bang. Ça va et toi, frère? Bah écoute, en pleine forme. Mante la jolie, toujours Mante la là. Jolie, le 7-8. Les survivants de l'enfer, on nous appelle. C'est ça ou pas? Et alors, qu'est-ce qui se passe pour toi avec la nouvelle il année qui arrive? Il se passe tout, j'arrive comme un bulldozer. On va pas percer, on va enlever les murs. Donc 2015, tu vas enlever les temps. 2000 tout de suite, ça joue dès maintenant. Les rappeurs, préparez-vous, Mante la jolie arrive. Dédicace à tous les rappeurs de Mante, il y a Toxic, il y a trop de bordel, ça arrive. Bon, et toi, pour te suivre, on te retrouve où? Personne pourra me suivre, je suis trop de spi. Moi, je vous le dis clairement, c'est du sérieux. On vient tout niquer. Pour me suivre, faut suivre E2SE-LLY. Cannibal sur Facebook, ré de la saloperie. Mais faut aller vite. C'est que de la rediffusion, il n'y aura pas de direct, personne me suit. La nocturne avec TLF, avec Iqbal au contrôle. On va repartir sur un autre morceau aussi. Ouais, on va partir sur le titre du frérot Drillant. Drillon de la rue, de Belleville. Le morceau s'appelle Casse pas les couilles. Allez, c'est la nocturne. Et y'a un mix. Hey Dom, c'est comment? Bois la belle. Cassez. Tous les gars de la rue. Cassez. Belleville, chez nous casse pas les couilles. Chez nous casse pas les couilles. Cassé, on sait comment faire pour faire parler les douilles. Chez nous casse pas les couilles. Chez nous casse pas les couilles. Renoir, on sait comment faire pour faire parler les douilles. Chez nous casse pas les couilles. Chez nous casse pas les couilles. Rebeu, on sait comment faire pour faire parler les douilles. Chez nous casse pas les couilles. Chez nous casse pas les couilles. Cassé, on sait comment faire pour faire parler les douilles. J'arrive énervé sur le terrain. L'argent a du mal à se faire. J'ai dit casse pas les couilles, grosse billard. Tu manges ta chatte, j'ai d'autres affaires. Nique sa mère, cherche un volontaire. On monte sur un plan sans préliminaire. Si ce que tu cherches c'est la guerre, Oscar, on croit en toi, on t'en fait. Pécho des grammes, j'arrange comme madame. Pécho des grammes, j'arrange comme madame. Pécho des grammes, j'arrange comme madame. On tousse pas, on le réclame. Nique sa mère, le chétan, on attend que c'est plein. Pour les brûler, brûler. J'achète du 95 sans plan censé. Pour les brûler, brûler. J'achète du 95 sans plan censé. Si mon sang t'électrocute pas, c'est que ces bâtards t'ont pas mis au courant. Énervé, pas de mer à coule pas. C'est toute ta tête qui s'offre en courant. J'suis fatigué d'attendre que mon bénéf se double. De la géant ne trompe que mon pote me coule. Sans avoir trop de doutes, si tu perds ça te coûte. Casse les couilles, on te joute. J'bois la potion d'Astérix. Mais comme son chien, mes idées sont fixes. Si tu veux million, prends des risques. Retaper la rapace sur ton fils. Chez nous casse pas les couilles. Chez nous casse pas les couilles. Cassé, on sait comment faire pour faire parler les douilles. Chez nous casse pas les couilles. Chez nous casse pas les couilles. Renoir, on sait comment faire pour faire parler les douilles. Chez nous casse pas les couilles. Chez nous casse pas les couilles. Renoir, on sait comment faire pour faire parler les douilles. Chez nous casse pas les couilles. Chez nous casse pas les couilles. Cassé, on sait comment faire pour faire parler les douilles. Gros chiffon, pas les couilles, c'est des trois, pas les garder d'achat chez moi. N'essaye pas de te mettre sur ma voie, y'a pas qu'un train qui en cache un autre. En même temps que je pose ma voix, ces bâtards espèrent que je me vote. Montre le son d'Otago, vois le rap français. Plus du cul, je te dis ça. En même temps, sur mon doigt, ils vont punchin, ils sont ridicules. Pas besoin de les voir, on fait des scènes de hard ou pas. Ta mère là, prochaine de guerre, on t'aura bien un jour tôt ou tard. Grosse pute en répondant, tu croyais que t'étais soutenu. Mais qui va s'en mêler? Non mais tu vois qui va s'en mêler? Mais qui va s'en mêler? Non mais tu vois qui va s'en mêler? Ratata, c'est le son de guerre, une grosse surprise comme dans les Kinder. J'connais ta daronne, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai la gueule sans problème. On va pas faire des tuniques, c'est salopé, c'est que je veux pas son BPM. Les chiens font pas des chats, c'est pour ça qu'elle se fonce la chat. Dis à ta reuse qu'elle arrête de me tailler et que moi, je ne suis pas son ami. Elle suce ma gueule deux minutes et je m'allonge comme le marsupilami. La mine. Chez nous casse pas les couilles, chez nous casse pas les couilles. Que si on sait comment faire pour faire parler les douilles. Chez nous casse pas les couilles, chez nous casse pas les couilles. Renoir, on sait comment faire pour faire parler les douilles. Chez nous casse pas les couilles, chez nous casse pas les couilles. Renoir, on sait comment faire pour faire parler les douilles. Chez nous casse pas les couilles, chez nous casse pas les couilles. Que si on sait comment faire pour faire parler les douilles. Bonhomme, 7-5, Belleville, 100% français, planète rap, la nocturne. Hey, ça c'est pour tous les frérots de Belleville, plutôt Belfort, Lille. Ouais, allô. Ouais, quand c'est moi. Adil Bilon. Oh la famille, salam, ça va ou quoi? Tous les quartiers du 5-9. Je suis avec le frérot là. Pordas. Ok, passe le salam. Belfort, Lille. C'est bon, hein. C'est bon, vous êtes prêts? L'équipe est prête. Ouais, Sofiane. Ah, ok. Ah, donne-moi 2 heures de temps, je suis là. Je suis avec l'équipe, comme d'hab. T'inquiète, on met la 6ème, on arrive. On a tous une équipe, tu connais mon équipe. Toutes les équipes. Pour la dream team, celle qu'on respecte, qu'on estime. On sort tous en équipe, c'est pour mes potes et tes copines. Pour la dream team, celle qu'on respecte, qu'on estime. Toutes les équipes, gros, ma gueule, c'est pas des lol, c'est qu'on fait les jets, on slalom sur la route, le sac rempli de baisse. 5, feu, 9, 4, Ika, Adil, Bilon, ta feu me casse les couilles, t'auras le filon, on les baisse, tout seul ou en équipe, pas tes bonnes cousines, mais bon, t'auras pas mon liquide, ta clique, c'est des bracassés qui tournent en vélib, dans ma team, c'est du S4, 3 litres, V6. Celui qui s'en mêle, celui qui s'amène, on l'allume. Je tourne à la semaine, à 10 kilos d'air, ça m'amuse. C'est tarot, au JT tu feras la hume si on t'arrose. Je suis pas rond, tu te maries mais tu peux braquer ton carrosse. Dans les chichas que des beurrettes pour mon équipe. Dis ton classe, toujours official, c'est mon équipe. Toujours au taquet, tiki taquet, la grosse équipe. Que de la frappe Paris-Lille. On a tous une équipe, tu connais mon équipe. Follow la dream team, celle qu'on respecte, qu'on estime. Sors tout son équipe, c'est pour mes potes. Choqué, pas de mal de mer, je prends des risques qui t'a plongé. Capuché pas en l'abri, du cliché. Perso rafale plus que le paparazzi du chité. MC, je fais pas titrer, t'es pas crédible. Je suis personnage principal de tes écrits. Je suis emboli, la police, ça fume pas plaisir. Trop strap, trop vif, on liquide des kills. On débarque en équipe, y'a du fric à prendre dans la street. Ramène des crames, on fait des gros chiffres. Adil, Bilon, Ika, aucun cinéma. T'es du rappeur, t'apprendras que ça c'est moi. T'as des drôles de gars, en cas d'embrouille, tout le monde met les gaz. On les dégage, mon équipe est brave. 3A, ça braque, tout le monde lève les bras. Lille, plaque tournante, mets ton équipe à la cave. Tu connais mon équipe. Follow la dream team, celle qu'on respecte, qu'on estime. On sort tous en équipe, c'est pour mes potes et tes copines. Follow la dream team, celle qu'on respecte, qu'on estime. Ika, trahir mon équipe, jamais. Dans le rap comme dans la street, on est cramé. C'est pour défendre notre brief qu'on est armé. Avec mon armée, 2014 je l'armé. Y'a que 500 dans la sacoche d'Amiens. La rue a quitté le raté pour dépenser d'Amé. Préviens ta team BH qu'on n'a pas tant parlé. Pur sang du ghetto, personne ça épargne. On a tous des comptes à régler, régler. Si tu payes pas, je t'envoie mon équipe. Cagoule, GP dans la foulée, foulée. La ta ta ta, comme ça on équipe. On équipe. On a tous une équipe au même profil. C'est la folie, appelle la police imbécile. On a tous une équipe confirmée. Héros, cocaïne, détaillée dans un sachet. Ma touche est qui, tu connais mon équipe. Follow la dream team, celle qu'on respecte, on estime. On sort tous en équipe, c'est pour mes potes et des copines. Yeah. Molo, la triste, t'es prêt. Les vrais des vrais marchent ensemble, chantent ensemble. Tika, Azir, Pilon, pour mes bicras vers le pilon. Plus de dos, non, c'est pour l'île marée. Bois d'abras, belle forme, fête, net, fête, yeah. Pour toutes les équipes, pour ma team, nos limites. Toujours une pute dans une équipe. Donc, focle, focle, focle. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Remets ça. Godzilla, allez voir le clip. Je les baise, je les baise. Je les baise, je les baise. Ika découpe le game en deux. Je les baise, je les baise. Je les baise, je les baise. Molly, Mick. 94, 400. 94, 94, 400. Ika, Ika, Ika, Ika. T'es là, trop dangereux. Découpe le game en deux. Trop dangereux, trop dangereux. Je les baisse comme c'est ce mon bleu. Réveillez l'animal, il devient agressif. RS4, pack et nos limites. La rue m'attendait comme un retour du riff. C'est l'impression de vitre et je résiste. Trop, trop, trop, trop dangereux. Trop dangereux, trop dangereux. Trop de séries en jeu. Trop dangereux, trop dangereux. Trop dangereux, que tu vas pas faire long feu. Réveillez l'animal, il devient agressif. Nous saillons. RS4, plaque et nos limites. La rue m'attendait comme un retour du riff. Cité le boss comme Ryan Giggs. Ika, pour le sud, grand banditisme. Reprend du service pour le casse du sec. Enchaîne série traction, pompe et dips. J'prends la belle vie par tous les orifices. Me fais le convoi, là ça c'est motion explosive. J'les encule au plastique, j'te parle pas de Manix. Big up, Ferrara, Redon, Fahit. C'est le grand kiff quand tout se passe sans agro. Ma vie est tellement bonne qu'on réveille Gilles Barreau. Suite impériale, casino Las Vegas. J'ai la quinte, j'y mise tout sur une verdasse. Le film de leur vie, hein, c'est mon teaser. Fourgon blindé, Brinks dans le viseur. Mon crime tourne en boucle dans ton téléviseur. Moi j'esquive les perquis, je rentre après 6 heures. Je m'en vais toucher le ciel, toucher le fond. Toujours être au charbon, même quand ça sentait le ballon. Sur moi, idée belle, aze, aze. Je les baisse, je les baisse. Demande à Fares, Fares, je les laisse. Faire un peu de soi, trop mitonné. Sortez les drones, filmez, filmez. Je crains personne, je vais tous les fumer, fumer. Rupture de stock pour les pompes funèbres. Trop dangereux, trop dangereux. Ika découpe le game en deux. Trop dangereux, trop dangereux. Je les baisse comme c'est ce mon feu. Réveillez l'animal, il devient agressif. La rue m'attendait comme un retour du riff. C'est l'impression de vitre et je résiste. Trop, trop, trop, trop dangereux. Trop dangereux. Trop de salopes, trop de séries en jeu. Trop dangereux, trop dangereux. Reste tranquille, tu vas pas faire long feu. Réveillez l'animal, il devient agressif. RS4, plaquez nos limites. La rue m'attendait comme un retour du riff. Ouais, je me dis, trois. Dealer, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Toujours des terres en bas des tours. C'est nos lits. C'est nos lits. Arme de guerre, crack, coke et shit. Roue arrière devant les chemises. Focle, focle, focle. Recal, meca, monsieur, meca, écra, devra, vodka, pulcra, mécra, calage, toca, parballe, poupa, je crèvera, ton gras, va. Du bénéf, plus que ces enculés, je dois faire du bénéf, bénéf. Je les baise, où sont mes ennemis que je les crève, je les crève. Je suis passé des barrettes de frappe au litron de 16, au litron de 16. J'oublierai jamais les frères qui m'ont poussé des ballons quand j'étais en putain de hess, en putain de hess. 10, 20 kilos de Colombie, je donne pas pour la merde. Harry, c'est vrai que j'ai plus bibi dans la tête que dans les Fnac, j'ai mon industrie. Black, very crypté, un black. Max, faut s'agripper. 45 MG, c'est là, j'tire le frein à main. Dérapage sur la vue du 63 Vitry, les guillemets d'hier, quoi de ça hein. J'ai peut-être bouffé plus de merde que toi. Que toi, MMA 11-43. Portez vos couilles au lieu de parler sur moi. Trop dangereux, trop dangereux hein. Ika découpe le game en deux. Trop dangereux, trop dangereux. Les mecs du terre-père, j'ai tombé sur mon feu. Réveillez l'animal, il devient agressif. RS4, plaque et nos limites. La rue m'attendait comme un retour du riff. Je résiste, trop, trop, trop, trop dangereux, trop dangereux. Trop de salopes, trop d'oseilles en jeu. Trop dangereux, trop dangereux. Reste tranquille.

Et ne sous-estimez pas Ika. Et pour le poulain de Kujo, il s'appelle Missa, il viendra faire une nocturne en janvier 2015. Missa, Inch'Allah. Voilà, il viendra nous présenter ses projets lui. En tout cas, il y a une mixtape gratos là en téléchargement un peu partout gratuite. C'est pour retrouver Missa. Godzilla, mon nouveau titre. Il est sur iTunes aussi. Mourir ce soir, pareil, sur iTunes. Allez chercher ça. Bon, est-ce qu'on attaquerait pas avec le mix réalisé par monsieur DJ Snatch qui est là? Ouais, il est là. Ouais, pas de problème. On est parti, c'est quoi? Alors, c'est tous les gros morceaux de TLF. Voilà, tous les meilleurs couplets de Ika. Voilà. Et bah, session maintenant pendant une bonne trentaine de minutes. Mixé par DJ Snatch. Grosse dédicace à mon poteau, Nassim, au beau maître, Moussa, au beau maître. Gardez la pêche, poussez fort. Musclor. C'est parti pour un. DJ Snatch. DJ Snatch. Personne d'autre, tout seul je règle mes problèmes. Grâce à Dieu et personne d'autre. Seule mon âme ressent mes douleurs, car j'en parle à personne d'autre. Le drone comme le cercle, je le partagerai avec personne d'autre. Jusqu'à moi en Afrique, même si c'est la chasse dans un monde. J'ai du vent, du shit, des armes, bien qu'il y ait même le monde. Quand les temps sont durs, y'a toi et tes couilles. Et personne d'autre. J'ai toujours rappelé ma vie, donc rien à moi, je sais. Encore un nouveau son, un nouveau projet. Comme la section, les approchés. Tu peux déloger les kings du ghetto. Chaque occasion est bonne pour l'arroser. On va tout casser, v'là l'engin, il faut être dépassé. J'imagine pas tout le pif qu'on va ramasser. Tiens bien ton équipe, on va la terrasser. Toujours bien rasé, bien soigné. Comme DJ Riddick, on est bien placé. Démarre les festivités, cette nuit durera une éternité. Tu me cherches au fond du coin VIP. Tu vois pas, fais semblant d'être alcoolisé. Tous perchés comme des chimpanzés, de Saint-Tropez aux Champs-Élysées. On revient la nocturne pour toute la nuit, on n'a pas toute la vie. Sors la mature qu'on la dégoûte. Nous on baisse tout pendant que tu roupies. Nouveau nub, nouvelle groupie. Sur mon gros sub, check ton booty. J'te le dis encore moyen, check ton doofy. Fais les choses bien, faut que tes soucis. Le week-end entier, on fait les choses bien. Chaque album, on fait les choses bien. Nouvelle année, on refait les choses bien. Converté, on fait les choses bien. Fait les choses bien, fait les choses bien. La vie nous fait du chat, on lui donne bien. Fait les choses bien, on fait les choses bien. On fait la gagne, on se met bien. Mon gros la monnaie, on donne tout pour la monnaie. Ressons mort pour la monnaie. L'air marché, médicalif. On n'est pas de futur qu'on s'achète dans cette putain de live. Pour la monnaie, plus toujours, plus jamais moins. Si tu veux la paix, ne craigne pas la guerre par errant. Allons-y, la joie dans les mains. Y'a souvent une seule voie à prendre. Droit chemin ou travail souterrain. Parce que la dèche, vraiment ça craint. Trouve la fenêtre qui donne sur tes rêves. Trop de fins tragiques sur tous les fronts. N'essaie pas d'imiter les fautes. Si tu n'as pas les épaules pour raccroche, je te parle pas téléphone. Ceux qui partent charbonner savent. Survivre n'est pas du luxe. La mauvaise voie n'est pas un rêve. Il n'est question que de lutte à force d'avoir les mains dans la mer. Nombreux basculent dans le crime parce que la joie de vivre a un prix. Nombreux finissent le doigt sur le clic. Le quartier vient à toi par les ondes. On n'a pas le cœur à la fête. Le quartier fonce, force le sort. On a la monnaie dans la tête. Trop d'amour pour la monnaie. Un coup pour la monnaie. Trop souvent Marseille. Pour la monnaie. Tu pour la monnaie. Pas un, de 3, mort, 9, 4. Pas de futur qu'on s'achète dans cette classique. Putain de live. Oh oh oh. Gros bonnet, gros bonnet, réseau petit des plus de ma gueule. Tu m'attends pour la recette, envoie le rôle hors les gros sous les kilos, se réduisant barrette pour la monnaie. Ça tue, ça deal, ça fait des trucs dangereux, mon gars, ça arrache, ça flingue et ça kill. Radaston et Versace sont dans la tête de mes frères en bas. Nous calons des plaques marchés, on déplaye tout pour TNE. Marginal, on perd la loi, on rêve de plastique, que qu'on voit. De se mettre bien juste avec nos voix, on tient le coup de tête, autre, on y croit. Heureusement qu'on a nos foies, machallah. Sinon, ça terre brûlée, cacherait là. Aussi vrai que 9 plus 4 donne 1, 3. Le cash, monnaie est à portée de nos doigts. Amour pour la monnaie, un coup pour la monnaie. Trop sont morts pour la monnaie. Tu pour la monnaie. Pas de monnaie, pas de futur que s'achète dans cette putain de life. Tu connais où racheter tes couilles pour faire des sous. Où t'es rien du tout. Faire pas tes ados. Sortir de ce trou. Faut faire des sous, tu veux croquer la vie, Chico. Va voir les chicots pour finir au bar difficile. Pour pas dire un empire à partir d'un kilo de chill jusqu'à ce qu'on trouve souvent enroulé comme un sushi. Les soucis commencent quand t'es pas le tapis chez Gucci. Tu t'en fous plus quasi. Oh oui, putain que c'est bon de dépenser sans compter pour voir se payer tout ce qu'on désire. T'es pas nos vacances sur terre, non, non. Un peu de bonheur, on est prêt à souffrir. Monnaie, monnaie, juste pour la monnaie. Pour la monnaie, trop sont morts pour la monnaie. Trop sont morts pour la monnaie. Pour la monnaie. Pas de monnaie, pas de futur qu'on s'achète dans cette putain de life. Eh ouais. dominé par les zéros. Ma jeunesse veut un dépistage. Hey, papy. Survêt la cosse, ça passe aux tenues camouflage. Dans le Porsche, y'a le cash. À l'école, y'a le sage. Quoi qu'il arrive, nourrir la famille, l'avenir fait. Tous les quartiers nord, Marseille. Ça passe mal en bas âge pour la monnaie. Trahi pour la monnaie. Haï pour la monnaie. Le système, le pouvoir d'achat nous programme pour la monnaie. Y'a de la tristesse, des coups au mental, ça rentre en cage. Ça fait des grosses coups à l'heure où tu te couches. Les pères doivent ramener les couches et les courses. Que Dieu nous ouvre les yeux à tous. Que ça éprouve la vie à l'écoute dans la brousse. Erwan, Blaise, sans flouze, Marseille, Marianne. Il faut qu'on prouve qu'on peut se sortir plein. Trop d'amour pour la monnaie. Tout pour la monnaie. Trop sombre pour la monnaie. Tu pour la monnaie. Pas de monnaie, pas de futur. Tout s'achète dans cette putain de life. On te souhaite la bienvenue dans la street. Scarface pour la suite. Y'a pas plus vrai que ma clique. Non, non, y'a pas plus vrai que ma clique. On te souhaite la bienvenue dans la street. Scarface pour la suite. On te souhaite la bienvenue dans la street. On te souhaite la bienvenue dans. On te souhaite la bienvenue dans la street. Scarface pour la suite. Y'a pas plus vrai que ma clique. Non, non, y'a pas plus vrai que ma clique. Top of Paris. Top of Paris. Top of Paris. Top of Paris. Tic-tac, j'ai plus le temps. Que Dieu me garde des sentiments. Aucun de ces fils de pute sera présent mon enterrement. Je suis très navire, une fois que j'aurai conquis tous les continents. Je suis né, je mourrai salement. Pour ressusciter aux îles Caïmans. Comme aux îles, juste dans le mille. Défonce tous les bites comme 8000. Fume le prince dans la ville. La rose, la batte sans limite. Je fais pas de détails, je vais au culot. Comme mes frères dans le pilon. Ça te confasse, ton son t'accompagne sur les routes de l'enfer. 9-4 montagnes, on croise pas les doigts, on croise le fer. On croise le fer. Dans la lune de mer, t'inquiète mon frère. On va se le faire. Plus rien à perdre. Comme mes voyous du milieu de la pègre. On fait dans la blanchisserie. Arme à feu. C'est cassé. Comme David, comme parfait. On fait tout disparaître. On tue les psychs. La seule chose qu'on m'attraque, c'est mon clip. Ils sont à la trappe. Je suis sur M6. On fait des hits. Comme du sale. On fait des filles. Demande à Tal. Ils craquent leur slip quand ils ont la dalle. On rentre dans la capitale. Ils disent qu'il y a plus de sous. Y'a plus de sous. La pénurie. Nous en sont pas les couilles. On craque les dessous de Paris. De Paris. Le champion de la taxe. De la crapulerie, pour mes sons vivants de la haste qui creuse comme Spadjari. Ils disent qu'il y a plus de sous, c'est la pénurie. C'est la pénurie. On bat les couilles, on craque les dessous de Paris. Nous en champions de la taxe, nous de la crapulerie. Pour mes sons vivants de la haste qui creuse comme Spadjari. Fais pas le fou, fais pas le faillot. Fais pas le fou, fais pas le fou. Fais pas le fou. DJ Stunch. Blaireau, non brise tes calots. On boit ton sang à l'apéro. Ta chatte et mouille trop. Tu ne verras pas arriver dans ton rétro. Micro HF dans Huck. King du ghetto. Je te faux, négro. Enfile ton pare-balles. Que je te crève. Toi caresse taille. Je te viole dans tes rêves. Des rêves. Une équipe de Masterchef. Picheur dans notre asset. Usurpe notre recette. Et ça n'a pas le même goût. Ton rap est charclé. C'est de la 07. Respecté par les gros ton fief. Respecté par la juge et le greffe. Nos scuds sont mis sur écoute. C'est FDP. Des shift texte. Mes voyous à la crête. Plaqué, plaqué, Dolce Gabbana. Évite la cour des plus. Par toi, Pouquet, toi, Punta Cana. Une petite pause, disparaît des Kiki. Radars. Kiki, mes frères au star. Rien à foutre d'être une star. Un. Je prends ma part du monde. Demande pas grand chose. 2 hectares de terrain. 2-3 Porsche, une putain de baraxie. Contemporain. Un qui frime, ils sont contemporains. C'est dans le crime que j'ai fait mon premier chiffre. À charbonner comme un forain. Nous, on a tout fait trop tôt. On a débrouillé trop tôt. Le placard trop tôt. On a même baisé trop tôt. Physionomiste. Je vais rentrer avec les billets. Que tu verres, je violet. Les mistos sont recalés. Physionomiste, je vais rentrer avec les billets. Que du verre, je violet. Les mistos sont recalés. Physionomiste, je vais rentrer avec les billets. Vrai de vrai, physionomiste unique. Je vais rentrer avec les billets. Ika, t'es pas content, nique ta mère. DJ Snatch. Physionomiste, je fais rentrer que les billets. Que du verre, je violet. Les mistos sont recalés. On veut tout vivre. Oui, avant de caler, Patek Philippe au poignet, en peignoir dans un palais. Les MC veulent être nos alliés. Pour leurs intérêts, ils traînent dans nos allées. Rafale nos chums pour les éclairer. Les girouettes sont écartées, terre jamais désertée. Les crimes et criminels se sont concertés. Ok, c'est la street, célébration, carnet vide. Consécration, voyou street, au 4 glaçons, drip shit. Des cailles de poissons, des tarifs, nous les cassons, cassons, cassons pour le but. Nous nous déplaçons, déplaçons, déplaçons. Sorti pour tout baiser, faut le seigneur pour m'apaiser. L'animal est sorti. L'animal. Investir pour peser faire mon gros. Ton meilleur espèce d'un poids de disparition qui déboule à l'horizon. Fait tromper la faune et la flore à chaque apparition. Animal sauvage que l'état préfère voir en cage. Pour des garçons qui a du vécu, du bagage. Bagage la vie sans scrupule ni trop mort comme Totolina. J'en des rêves, j'en la mort, pure cocaïna. Sûr de Panama, la frappe de Ketama. Cousin, c'est ghetto drama. Six sur tes côtes, y'a le crise en tête d'affiche. Aux insistes, premier enfermé dans une cellule, dans une tombe. Qu'on se le dise, si je t'allume, je te loue pas, je fais pas de remise. Le monde va supporter mes caprices comme j'assume mes cicatrices. Instinct de carnivore de loup-garou. N'en fais pas de son cousine, on t'arrache le cou. C'est la guerre du pif, la guerre du pif. La front line, arrive jusqu'au cou, chargé comme l'animal est sorti. Sorti pour tout baiser, pour le sait pour m'apaiser. L'animal est sorti. Eh, pour tous mes animaux. Vendredi soir, nocturne spécial d'élève. Sorti pour tout ce soir, fond dans ta caisse. Pour m'apaiser, l'animal est sorti. L'animal est sorti. Investir tous les fours. Pour peser, faire mon trou sans creuser. L'animal est sorti. Ce soir, on baisse tout ou pas? Fred, c'est comment? DJ Snatch. Ok. J'rappe toute la nuit, pas les thunes, j'ai pas semé. Passe pas de sang, qui je les liquide en une semaine. Que Dieu bénisse, IKBAL, négro. Vaut mieux crever que vivre en faisant de la paix. L'illicite m'a fait du pied, sans attendre, j'ai démonté. Sur la table, ma dalle est redoutable. J'baisse tout, ma vie a été mise sous scellé. Le rap français sur la scellé, j'vais le baiser, j'suis en exil. Regarde, on baisse tout. La vie écarte ses jambes quand on la quitte, on laisse tout. Oh, ils sont pas en testo. Là, on se lève, t'es élève, là, qui se teste. T'es élève. Oh, okay. T'inquiète, on baisse tout. Nique l'état, les ghetto youths reconnaissent tous. Oh, ils sont pas en testo. L'état se lève, et on lâche de ses testos. On m'a arrêté, le commissariat s'est déplacé. J'suis passé, j'aurais beau cauchemar quand les keufs m'ont réveillé. Une semaine pour me remonter, une clé de bras, j'me trouve au sol. Menotté, pas besoin de résister, j'suis conscient de ce que j'ai fait. Inutile de s'énerver, plus de respect quand tu t'adresses à la remet. Ou je vais te faire du mal à ma sortie de maison d'arrêt. J'étais à deux pas de me livrer. La liberté est une belle femme qu'on a du mal à quitter. Pour elle, j'suis prêt à me ruiner. J'étais à 10 000 de prendre une grosse peine. S'il y avait pas ce baveux, on irait moins souvent en tôle. S'il y avait pas tous ces pédés qui bavent. Y'a vu plus de braves, ta croix de chat, ton calibre s'est enrayé pour une bave. J'étais à deux doigts de crever, je n'avais pas freiné à temps. À cette heure-ci, je serais pas dans le son, mais enterré. J'étais à deux doigts de la baveur, pour refus d'obtempérer. J'étais attiré par la drogue et les sacoches pendant que j'étais à télécoms. Un coup de pas me faire attraper. J'étais à un coup de couteau de trop purger une peine de meurtrier. Un gros billet que tu ne vas jamais rater. J'étais à une photo et un témoin de guerre. Si j'ai cette trique au minimum, une gifle. C'est strict au minimum, tu suis c'est strict au minimum. Ma classe est pour les vrais bonhommes. On fait respecter nos principes. Ils sont vécus la rage de vivre. Tous les jours les avancés. Pour nous rien n'est impossible. Sans limite, j'irai venger mon rêve. Okay. Même dans la pluie à des épreuves. Okay. Nos amis font tout ce qu'ils peuvent. C'était comme nous de la vue au club. Aïe, aïe, on n'appelle jamais les gueules. Sur la gueule de mon œuf. La rue est fière et l'authentif innocent. ROH2F, le tube des 3SF, des HLM. Des HLM. Nos places écrames et des maisons d'arrêt à la SACEM. Fais nous tape à la haine. Okay. Les vrais répondent à l'appel. Okay. Okay. Tout n'en valent pas la peine. C'est la mif. C'est la mif, sa famille. C'est la mif. C'est la mif, sa famille. M pour boire, famille et industrie. M pour boire, famille et industrie. N'est pas la rage, n'est pas la rage. C'est la mif. C'est la mif. C'est la mif. C'est la mif. C'est la mif. C'est la mif. Koumani. C'est la mif. Si t'es bonne, fais une chine. Ils sont trop sous, y'a que les bonhommes qu'on estime. Kiki. Rappel petit bâtard. C'est criminel. Indila Scalpo but. C'est criminel. C'est criminel. C'est criminel. C'est criminel. C'est criminel. Pour ta porte, je t'élève. Airline on the cockpit. On sert un gros flow. Haut de gamme. Un gros soin international. T'accompagne tout seul. C'est criminel. Maman me voit déjà sur les marches. Quand tu vis de ta passion, t'imposes tes conditions. Félicitations, certes, mademoiselle. T'as ton banquier dans la poche. Tu sors criminel. Et un panonina. Indila. Spécial pour tes biatches. Ouais, chicha dans les clubs. Biatch. Remix. Tu connais DJ Mo. Van Ste. 19ème. Galbé comme un player du Super Bowl. Un bel homme à sa hauteur qui la contrôle. Un méchant super drôle. Super drôle. La petite adolescente a grandi et devenu super boy. Une belle plante indépendante au chaland. Qui demande, tu la portes jusqu'à sa chambre. Tu réponds à ses attentes. Elle en a marre d'être à loose comme Chris Brown. Brown, Brown. Elle va au boy qui la fasse crier sur plusieurs. Round, round, round. Fortune et infortune, pourquoi je le prends trop vite? À la récré, je raquettais le goûter de David. Pourquoi dois-je prendre des risques pour vivre? Pourquoi la vue des flics? Je panique, je prends la fuite. Pour ma lettre, je suis la colline jusqu'à la cuite. Pourquoi dois-je taffer plus? Avoir un bac plus fixe pour être bon piste. La poisse me colle à la peau. Ma place est sur le point de la cité du ghetto. Mon adresse, mes origines me font défaut. Je suis la définition du ghetto. J'ai pas fait les nannies sans beau, mais je verse des fois le flic aux impôts. Je suis jeune beau, fier d'être black, fier d'être du 9-4. Je crois que la sarcène pendant que la rue monte la garde. Quoi les keufs me dévisagent au volant de mon 4-4. Pourquoi je chante, ça va finir en garde d'âme hein. Je mets des trucs pour l'égalité des chances. Tu parles pas de tolérance, à part ça, plus la France. En cité. Avec ce sentiment d'être exclu, mis de côté. Sur réalité. Réalité. La vie est gyrophage, nous interdisent de rêver. Problème d'identité. Toutes les cités. La discrimination nous empêche de arriver. Paris, tous les quartiers. Black, blanc, beurre. Ouais, à tout baiser. Une fâcheuse tendance à tout baiser. Ouais, à tout baiser. Ouais, à tout baiser. Alors qu'est-ce que tu disais? T'élèves, c'est terminé, quoi? Allez, remballez. Cavaler. 2015. Tu disais, t'élèves, c'est terminé. On a limite. Remballez, je veux vous faire cavaler. Niquez vos mères. Autour de qui? Autour de Ika. Ika. Mais il se prend pour qui? Mais je me prends pour moi. Ce sont des chers. Les dés sous Paname, je vais faire des dégâts. Tes oreilles n'assument pas le drame, ce sont des vrais. Wesh rabat, voici autour de Ika. Mais ils se prennent pour qui? Mais je me prends pour moi. Ce sont des chers, les dés sous Paname, je fais des dégâts. Tes oreilles n'assument pas le drame, ce sont des vrais. Va leur dire qu'il est revenu. Ika, P-A-L et K-L. C'est la guerre, mec, j'ai longé mes ennemis. Mon match veut tous les découper, péter la folie. La gâchette est libérée, préviens ta sécu. Ils ont tenté de sceller mes couilles pour que je ne rappe plus. Rien qui parle dans la rue, mais la rue les a jamais vus. La vérité sort de la bouche de ceux qui l'ont vécu. J'suis de retour pour tout ce que le rap français me doit. J'compte pas rester là, regarder le monde grandir sans moi. J'ai plus de haine, un portail qui raye ma caisse, qui m'insulte sur le net. En jazz, 31 jazz, ça le double en fait, c'est son sexuel. J'fais mon trou comme une boîte 9mm dans ta cervelle. C'est autour de qui? Autour de Ika. Pour que c'est explosif comme mes fils, comme Aurien Bilka. Porté par la street, cette année les pour moi te fatigue pas. C'est autour de qui? Autour de Ika. Mais je me prends pour moi. Ce sont des chers. Les dés sous Paname, je vais faire des dégâts. Tes oreilles n'assument pas le drame, ce sont des vrais gars. C'est autour de qui? Autour de Ika. Mais il se prend pour qui? Mais je me prends pour moi. Ce sont des chers. Les dés sous Paname, je vais faire des dégâts. Tes oreilles n'assument pas le drame, ce sont des vrais gars. Le câble est sentiment, j'ai l'avenir qui m'attend. Le câble est sentiment. Tic tac, j'ai plus le tambour. Le câble est sentiment, j'ai l'avenir qui m'attend. Les minutes passent trop vite, je profite même pas. Laisse les boulets derrière nous. Casse autant vertu, sur un banc. J'ai la clé de la réussite, tu l'as pour marquer la clé. Depuis mes câbles et sentiments, j'ai l'avenir qui m'attend. Les minutes passent trop vite, profite même pas dans le temps. Les dégâts sont envers, je suis sur un banc. Soit la clé de la réussite, tu marques et marques en mousse. Leur tourne comme la route, je frappe à sauter mon tour. Leur tourne comme la route, je frappe à sauter mon tour. Tic tac, tic tac, tic tac, j'ai plus le temps. Tic tac, tic tac, tic tac, j'ai plus le chacun temps. Chacun sa chance comme à la roulette. Le placard est un boulet accroché à la cheville de la liberté. Une pensée pour Poulette et tous les autres qui font du trafic par la fenêtre. Le temps est précieux, le nerf s'écoule sur une Rolex. Califat perdu depuis le collège. À ces polocards qui m'ont frôlé, mon passé est trollé. À toutes ces journées écoulées, à rien faire à tourner. À défaut de croire que ça allait payer, à ce qui paraît le crime paye. Ma bite demande à ceux qui sont isolés. Mon bruit petit biche, blood money. Comme ma grippe, cavale fusil à déconditionner. Mon putain le garde à dépôt, ta vie se saucissonner. Trop d'affection pour la monnaie. La rue t'a aiguisé, t'as aimé, t'as baisé. T'es devenu la risée du quartier, pourtant tu pesais. Des grands se mangent des steaks par les petits qui vendent la cesse. Investissent dans ce roquette, mitraillette, rien les arrête. Je veux jouer à la balle, on tue mon premier set. Ok t'as trop la dalle, mais y'a rien pour toi dans mon assiette. J'ai même gardé son silence, j'ai l'avenir qui m'attend. Ces minutes passent trop vite, je profite même pas de mon temps. C'est des cas autant bien, j'ai me noter sur un banc. J'ai la clé de la réussite, tu l'as pour marquer mon temps. J'ai même gardé son silence, j'ai l'avenir qui m'attend. Les minutes passent trop vite, je profite même pas de mon temps. Dédicace au temps perdu, me noter sur un banc. J'ai la clé de la réussite, j'suis là pour marquer mon temps. Cruelle est la vie, cruelle est la mort. Cruelle est l'ennui pour mes frères enfermés sans remords. Faut qu'on rafle les disques d'or pour tout ce qu'on a fait. Les frères reconnaissent mes vrais tons, je vais te faire caillasser. Du talent fâché, 1, 2, 3 ou 4 coins de la France. Ça fait du cru, du sale, du rap, performance. J'suis un oasis dans un désert de cendres. Ton terrain refleurira quand il cassera des cendres. Punchline macabre du 9-4, vase de jungle. A trop de pour tu ou pas, tu vas finir par le rejoindre. On fait la guerre avec des armes, pas avec des mots. Range ton vin de l'oreille. On fait la guerre avec des armes, pas avec des mots. On va t'aider, rafale son pare-brise. On va t'aider, comprends pas la tête avec un macabre. Ça fait gogol, t'es mort dans le making of, la cage au fun. Il faut passer le foie avant le vrai, avant le vrai. Il faut passer les foies avant les vrais. J'ai cassé le sablier, oui, oui. Prends le temps de vous humilier. J'fais de la boucherie, votre sang sur mon tablier. De Hagar, ils vont me supplier. Strasbourg, Mulhouse, pour prier. De calme, le rap sans pitié. Cruel, pas de blague, ni de slam. Zilu, de vos punchlines un peu schlag. Nique ta mère, toi. C'est Paris, les bandits sont dentistes. Big up, Zilu. Ça soulage toutes tes caries. Mec de la tête, c'est pas ma soif. Le message est passé, t'inquiète pas. C'est à qui je parle. T'as fait pervers, malsain, assassin. Stop les recherches. T'es pas content, c'est la même. Et c'est Nika, la famille. Le 1, les Zulus. Les perles rares. Quand je serre le mic, pour le cadavre, je laisse faire le rare. Sourd devant mon flingue, tu la fermeras. Rappeur, un rimeur, pour eux c'est flatteur. Le game c'est du baseball, vous êtes la balle, je suis le batteur. On met des pleurs aux gens, quand je trébuche les autres tombent. Les enquêteurs veulent éclaircir les zones d'ombre. C'est ça, la vie des thèses, des thèses, ils se laissent éteindre. Dans la jungle, soit t'es le roi, soit t'es la reine, t'éteins. Et pour passer de l'ombre à la lumière, suffit d'un néon. Tu marches à la sache, appelle-moi les ronds. Ouais, c'est les deux, moi. Et les autres se descendent. L'âge d'or est dur à payer mort. Tout ce qui reste c'est descendre. Paraît-il question en vente. C'est de plus en plus sec. Les portes du succès restent fermées comme celles de la pucelle. Quand t'y rien, t'es la risée. Ça met pas maintenant tu sais. Quand t'es au top t'es visé. Tout le monde veut te sucer. C'est devenu le carré VIP. Vite monté, vite craqué. La monnaie vite, vite gagné. Vite montré, vite claqué. Jouer les grands, jouer les terreurs. Jouer les richetons. Laver sa château au d'erreur. Faire pleuvoir les bifetons. Porter de gros accessoires. T'as gonflé comme sa perte boots. Faire cirer la perte boots. Faire laisser la perte oups. Monsieur le rap, tu as foiré. Que veux-tu faire croire, enfoiré? Tu prends aux riches et redonnes aux pauvres. Comme Robin dans la forêt. Tu n'es plus la voix des sans-voix, la voix des voix débranchées. Tu fais les yeux d'eau blindés. Arrose les endroits branchés. Non, l'un dernier plus convié à tes putains de banquets. Tu as menti comme les banquiers. Tout se paye, tu vas banquer. Appelle-moi Hector Lucci. J'arrive, j'arrive flambant neuf. Tu vas finir comme Angel. Hôtel Seine, réchampe neuf. T'as le plomb. T'as chopé le blocage. T'as chopé le blocage. La définition du gâteau. La définition du gâteau. Je veux gérer comme un boss. Mais non. T'es méchant. On met t'es méchant. On met t'es méchant. Et pas d'amis t'es. Et du grand. T'as on fait le boulot. On fait le boulot. On fait le boulot. Je veux gérer comme un boss. La définition du gâteau. Les sorts remontent du bédo. Faut que la guardia charge la bagot. Investi dans un resto. Une chicha dans la pierre. Ou changer en lingot. J'aime les billets verts. C'est mon côté écolo. Y'a des sous à faire. Bijouterie, contrat de fond, casino, braco. Nique sa mère pour l'emploi. C'est dans l'illicite, pose des bois. Les plaies de taf, plus au bois. Facebook, tu es Twitter, YouTube, Zbouba. Les strings en caisse. En caisse. Lap dance, Zbouba, on prend tous. Oui, oui. RDV dans le 16, ils veulent quelques grammes, elles rêvent plus la cartouche. Charbonne comme un manouche, genre de ton trou comme le rap, Big up à louche. Big up à louche. C'est dans le marais, t'es louche comme dit Kima, t'as mec cendré. Big up Kima. Du petit au gros calibre, trafic international, cocaïne. Coffré dans la chatte, dans la grosse du kitchat. Cuisine la maison du crack. Tu m'iras 18ème et sucre de track. Trafic en tout genre, que des portables, je tape comme mon pote junior. Escroque comme un camer, tous les camer. Du concessionnaire, que le broc aille niquer sa mère. Pour mes débrouillards, la sentence est sévère. Détaillé, solo, solo, famille. C'est pour ceux qui charbonnent, ceux qui font du biscuit clamé. Espagnol, hollandais, marocain, pakistanais. On compte pas sur la cistana, on pique ravé. T'étais bané, ça fait couper. Détaillé, solo, solo, famille. Reto drame 2 ans. Détaillé, solo, solo. Fané, coupé, détaillé, c'est l'eau, fané, dis-moi t'as écoulé, okay. Combien de kilos de bétostane, 30 000 M sur la pesette, n'en perds pas une miette, découpe, découpe là autant que tu peux, trip, trip, ton bénéf, le shit c'est relou, comme dit R, trop de prise de tête, pour une pièce, TG élevé, Gucci, Balthazar sur la table, vive la 16, en provenance de Colombie, vive la 16, Guinée, Sénégal, arrivage, Guinée, Sénégal, l'île de France, on ravitaille, on ravitaille. Seul les chefs le four, que du bon matos déjà à court de stock. Les affaires tournent, je dois t'offrir un yacht. J'inviterai Emmanuel Valls, Emmanuel Valls, Jean-François Copé, Jean-François Copé. Promets de la classe, les arranger pour qu'ils me laissent tomber. RTV, grosse berline, Port Maillot, l'argent sale, pousse des buildings. M.I.A.O. On fait briller Paris, comme Nasser El Khelaifi. J't'avance tes banquiers bol, j'te dirai Barack Al-Aoufi. C'est moi qui relève les compteurs, relève les compteurs. Ferme la boutique, ferme la boutique. J'ai plus l'âge de couper, de détailler, j'puis trafe que des lits. Détaillé, c'est tous les fours, c'est pour ceux qui chantent. Neuve Lagarenne, Jeune Villiers, Colombe, Boulogne, Wesh Dame 16. Crazy psychedelic, ah. C'est devenu une coutume, c'est Dieu qui donne, qui te déplume. Bla bla bla, j'ai comme l'arc de triomphe. C'est talent fâché qui pèse à la sonde. On va tout casser à des kilomètres à la ronde. Les hommes pour se cacher quand le tonnerre gronde. C'est la folie. Alban Ivanov, Ika, c'est vénère. Saï Bogota, Issa Doumbia, short que tu loues, c'est officiel. Le rap game n'a pas de goût, donc je mets mon grain de sel. Ma dalle fait des scènes, cette chaîne de vie, faut que je la marque à la dorselle. Et suis-toi le visage quand j'aurai craché. Money, money, money, on l'a fait pousser dans les tranchées. Et t'es commis vers le quartier, et enneigé, flashé par les condés qui surveillent les carottes d'euros QG. Gros son pour grosse caisse, classé 63 AMG. Les rageux sont repassés, c'est pour mes charpés qui tirent dans la foule, rien à foutre. Par contre, pas pour des talouses, on va t'arracher les bourses. J'ai le caractère d'une arme de guerre, la cachette rancunière. Paris, c'est mon jardin, place que j'y entends. Et une vie d'enculé qui m'a rendu invincible en bantam. Amenez-moi des champions, passez dans le cadre des banques en somme. Quand c'est Ika, c'est vénère. Ça plaisante pas, c'est vénère. Quand sont les rangs ouf, c'est la folie. Dans tous les quartiers, c'est la folie. Quand c'est Ika, c'est vénère. Ça plaisante pas, c'est vénère. Mais sur les rangs ouf, c'est la folie. Dans tous les quartiers, c'est la folie. Car y'a trop d'oseille en jeu. Le terrain est fructueux, mais les ennemis sont nombreux. Et cela nous rend nerveux. Ouais, cela nous rend nerveux. Coupons la tête du serpent. Pour qu'il n'agit plus sa queue. Y'a plus de droit, y'a plus de petit peu. On a tous une arme à feu. Ouais, cela nous rend nerveux. Ouais, cela nous rend nerveux. Ouais, cela les rend nerveux. Y'a pas nous casser les couilles si tu tiens ta vie. Y'a pas nous casser les couilles si tu tiens ta vie. Y'a pas nous casser les couilles si tu tiens ta vie. Quand les crapules partent en vrille, nous partent à l'abri. Ainsi va la rue, tu te fais gonfler au parlu. En cellule de pensée, que ta mort phrase ici relardue. 9-4-4-40, tu carottes, on t'arrose, on t'arrange. Chirurgie faciale grattant, s'explose les phalanges. Mon équipe a le bras long qui t'allonge sur le pavé. Les phalanges en pleine tête, mais qu'on est sable qu'on va te laver. Pour un oui, pour un non, ouais, ouais. Pour un territoire, pour faire la galage. Plus de petits, plus de grands. Plus de respect que des fils de lâche. Y'a embrouille, y'a embrouille. Pas d'embrouille. Vient de la rue. Et d'autres âmes le son vient de la rue. Et d'autres âmes le son vient de la rue. Et transpire le vécu du ghetto. Ghetto drame pour les princes de pétune. Ceux qui font prier le ghetto. Ghetto drame. On donne tout pour la famille, tout pour les frères partis trop tôt. Ghetto drame, c'est pour mon ghetto. Ghetto, ghetto, ghetto, ghetto. Que je quitte ma life. Ça c'est tes bro. Faut pas comprendre. T'es les prod. Ma tête tranchée, j'ai ma. Bip ma life. J'accélère sans va. Faut que j'quitte ma life. Que je me mette bien. Que je quitte ma life. Faut cartonner en chemin. Faut pas comprendre ma life. Ma tête tranchée, j'ai mal. Au tableau de bord, j'accélère sans va. J'ai tué Mani. Avant de tuer ma vie, je me suis offert un petit paradis. Ami, ami. Équipé Gambala. Mon crâne vient à l'allure d'un palace. J'ai de quoi te rendre malade. Décapoté comme l'Impala. Si tu m'appelles, je suis pas là. Je respire l'air des Bajas. Loin des soucis de la France, du car plat. En haute mer, sur un putain de yacht. Je repense à mon ancienne vie de mer. Tout peine avec maman, j'ai fait d'elle une reine. Tout roule comme sur une McLaren. Mon fils tient les rênes de mon empire. Intérieur, cuir, intégral. Les portières ouvertes pour les potes, faut ceux qui grattent. Montez sur des putains de gens noirs. De pouce, je dois pipper ma life comme Jamel de pouce. Les jaloux visent les roues car ils veulent que je crève. Si je vois mes rêves s'envoler, je les rattraperai en jet privé. Faut que j'équipe ma life. Que je me mette bien sans cartonner en chemin. Faut que je débride ma life. J'ai mal au tableau de bord, j'accélère sans fin. Keep my life. Je dois pipper ma life comme Jamel de pouce. On est fou, plus on rit. Dans le club, tu bois du verre jeune violet quand les billets pleuvent. Toujours bien accompagné, je suis venu avec mes rêves. Que des mecs swagués qui font parler le neuf. Ça bombarde en avion de chasse, chargeur grand. Soir c'est full, on a le carré d'as. Laisse tomber soirée à Las Vegas. Laisse tomber soirée à Las Vegas. Le saut de l'ange, San Diego. I got a model next to Dirty me, music. So fly. I got about a bottle of three, let's get high. Faire souffrir et tout ce qu'elle peut t'offrir. T'es fait exprès pour nous séduire, nous épuire. Toi nous réduire à la dépendance. Toute l'année on court dans tous les sens. Le sens que chante une putain de vie éprouvante. Présente un petit moment d'insouciance. Prendre mes distances avec mon quotidien. Trop de comédiens, la vérité fait mal. C'est que le mensonge fait du bien. Je m'efforce à comprendre l'humain, motiver les miens. J'apprends un chemin certain. Dans cette jungle de serpents, Serge d'âge au milieu des requins. J'en prends pas bien. À l'allure des balles qui flambent, des gouttes de sang, j'ai ah. Des carotteurs qui mentent, des grosses affaires qui se montent, qui deviennent enrichissantes. Salut! Des arrestations violentes, faut prendre toutes les balances. Nesbu! La douane volante, en mode voiture puissante. Ah. HLM, talons fâchés! Faut des thunes d'urgence, de janvier. Talons fâchés! Dans tous les sens, on sent tout ce que rentre dans mon univers, ferme la porte derrière toi. T'es pas sûr que tu en sortes, embrasse ta femme une dernière fois. Ah. Chez nous, clients des parois. Prends ton gramme et casse-toi. À coup sûr, on se revoit. Tout à l'heure, on radoie. Sont tes sourires pour t'arracher des temps. Non, mais disparaisse, disparaisse. Mort dans le nord, le petit qui t'a aidé. T'es fait en indé, avoir son propre rindé. Le petit braqueur rêve de Brinks, pas des supermarchés. Tu veux du. C'est quoi ton budget? Ah ouais, tu veux des. T'as même des gilets. Je veux t'avoir aussi des billets verts. Super bien fait, on s'est cramé. Y'a que le zine qui peut soulager nos brûlures. Incarcéré avant l'âge de pleurs. Et pour la rage, tout ça, les hommes sur les murs. Certains sont partis sous sa volange de pleurs. C'est que ton gramin, tu finis dans un bain de sang. Pour un bain de sang, manquerait plus qu'une balle égarée. Perdu d'un passant. Oui. Certains sont prêts à tout pour l'oseille. Ida, porter la kippa. On aime le game comme la FIFA. Avec des balles au chi, tu sauves ta peau sur une course poursuite. Des envolées, des milliers d'euros. C'est pour les Jack Sparrow. Qui fait des camtars sur des airs de peau. Quand il check cette phrase de ghetto, C'est pas avec une bite dans le cul que tu tiendras la route. À l'allure des balles sifflantes, des gouttes de sang gisantes, des potes qui partent, qui manquent, des carottes qui manquent, des grosses affaires qui se montent, qui deviennent enrichissantes. Des arrestations violentes, faut prendre toutes les balances. Nardu, la douane volante, la zone 4, garde. HLM, souffrance, faut des thunes. Créteil, la brise, vomi. On court dans tous les sens. Tarski, enculé de ta race. On s'est tous des millionnaires, je voulais pas un plein. Salut, Coulogne. Par un flingue, ou un filmé, bien et sûr. Un flingue fait des burnes. Un portable débloqué, une nouvelle puce pour faire les thunes. RTV dans un parking, un spa de 10 000 dollars. Pour toucher moins cher, ma gueule, ça habite à 6 000 dollars. Big up, Mounir chelou. Elle était vraiment chelou. Gros trafic de con. C'est pour les sœurs qui portent le poids, les casse les couilles. C'est chelou à croire qu'ils veulent les voir à poil. C'est pour les braqueurs, pour ceux qui font le coup du volant. Pour les coups du violent, pour les tartes et les coups du volant. Ça dégoûte, ça dégoûte, ça dégoûte, ça dégoûte. Pour la chambre à 7, mec, ça se dessoule. 2009, il va être carjacké. Maroc, 09, braquage, quoi de parking. À l'allure des balles sifflantes, des potes de sang gisantes, des potes qui partent, qui mangent, des carotteurs qui manquent, des grosses affaires qui se montent, qui deviennent enrichissantes. Des arrestations violentes, faut prendre toutes les balances. On encule la douane volante. Faut toutes les balances. HLM, souffrance, faut des. C'est quoi ça, il marche normal comme ça. On a même qui rappe. On sent tout ce que chante, putain de vie. Le rêve des chats, peut-être le cauchemar des sauts. Un lion dans le zoo, un putain de virus dans les gens, cassos dans ta zone. Survie ou crève, une putain de bastos. Du chola, bon rêve, regarde, tu crèves du sirop. Derrière les barreaux, tu craches les autres y'a pas de sirop, tu chiales, pas de quoi quand il est des malbeaux. Survie ou crève, regarde, c'est comme ça dans Val de Garde, la rue pleine, les arrivants, rien à fumer à part du grain. Survie ou crève, regarde, en chien, t'as pas de parloir pour con cellulaire, rempli de singes, assises, direction le cauchemar. Fleury, direction l'abattoir, survie ou crève, mon purgatoire. C'est pas le prolique, une balade dans le miroir. Pour être NRSC, je vomis des olivettes. Maroc sticky, un million de Sahraoui pour la marche verte. Roya, tu crois que survivre c'est un miracle. 300 couronnes, ghetto drame, j't'ai pu rigoler de ma débat. À l'allure des balles sifflantes, des gouttes de sang gisant. Des potes qui partent, qui mangent, des carotteurs qui manquent. Des grosses affaires qui se montent, qui deviennent enrichissantes. Des arrestations violentes, faut prendre toutes les balances. On les prend gros, les pendez-les, pendez-les, pendez-les. Les balances, pendez-les. Il est revenu, IKBAL avec un ovni. C'est la guerre mec, c'est ce qui a été convenu. Je rappelle mes heures de rappeur, c'est ce que je suis devenu. Si aujourd'hui t'auras pas pris un nouveau souffle, voilà que j'ai bien voulu foutre ma petite touche. Augmente le bien le volume quand tu touches sous la douche. On te souhaite la bienvenue. On chiffre les arrivants sur la bouche. Aïe aïe aïe, aïe. Attends-toi des représailles. Moi d'un fois que c'est dire, ça ne sera pas au grenaille. Aïe aïe aïe. Je rêve pour la maille uniquement. Confie mon arrogance pour que je suis unique. Moi t'es le plaisir si tu crois que tu m'uniques. Moi si tu peux dire c'est que ta bouche c'est trop technique. Le rap c'est devenu n'importe quoi. Quoi il est temps que je remette toutes ces putes sur le trottoir. Y'a trop de pédales hey, 2003 ça star. Dans la rue ou en prison ça joue moins les rôles. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui déchire ce son. Aïe aïe aïe. Les rappeurs se mangent une sanction. Aïe aïe aïe. Mon son inonde ton quartier. Aïe aïe aïe. Fais péter mec si t'es un vrai. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui déchire ce son. Aïe aïe aïe. Les rappeurs se mangent une sanction. Aïe aïe aïe. Mon son inonde ton quartier. Aïe aïe aïe. Fais péter cousine si t'es une vraie. J'ai cru entendre c'est la guerre du rap. Ce ouais. Football ton capin a ouvert le bal. A plus. Eh. C'était du bon, non? Ah, c'était du lourd, hein. Bravo DJ Snatch qui nous a mixé Snatch. Ça à l'instant avec les plus gros couplets pendant une trentaine de minutes. Un mix pour la nocturne. Et bah terrible, merci Iqbal d'être passé dans cette nocturne. Merci la famille. Hein, donc rendez-vous 2015. 2015, l'album Godzilla et Jala. Voilà, allez le télécharger sur iTunes. Allez voir le clip Godzilla, TLF. Mourir ce soir aussi sur YouTube. Vous pouvez me suivre sur TLF, la page fan. Merci à tous les soldiers. Tous les guerriers, les guerrières qui me soutiennent, TLF depuis le début, les nouveaux, les anciens, Instagram, IKTLF officiel, Twitter TLF officiel, voilà. Bon et ça dit quoi le vendredi soir généralement, la nuit, qu'est-ce qui se passe là après la nocturne avec Iqbal, tu fais quoi, tu rentres, tu vas en studio, tu vas sortir. Peut-être une petite chicha ou... Un petit truc pour se mettre bien. On va aller au studio, on ne sait jamais l'inspiration de la nuit. Ce qui peut arriver d'un seul coup. On ne sait jamais, on peut se retrouver au gardable, je sais pas. Non bah je te souhaite pas. Non d'ailleurs t'as vu c'est... Bon on est en train de régler ça mais nos limites il est encore à aller au placard je crois. Nos limites, il est au placard. Les keufs sont venus, ils ont fait une perquise au studio. Hein? Ouais. Mais heureusement qu'on avait des sauvegardes, tu vois. On avait des trucs au master. Sinon, c'était foutu, quoi. Ils veulent pas le rendre. On est obligé d'envoyer. Mais pourquoi? On est obligé d'envoyer le brass, là, pour récupérer l'album.

Tiger, Joe Kizzy, Dose, Jury. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Mais qui a laissé ses chiens sans vaccin venir au monde. La rage parce que je passe sur les ondes. Puis que je suis coté comme la Joconde. Je dérive comme un Khmer rouge sur le Mekong. Chez nous la fée finit à walpé dans les comptes. Reconte encore, vas-y reconte. Les bons amis font des bons comptes. Genre le gamos du parking. Brolique et fermeture centralisée. Le feu rouge donne raison au carjacking. Je leur mets à la hussard donc pas de vaseline. Ton rappeur est un gangster déguisé. Aussi nul qu'un pénalty dévissé. Je connais ma leçon car j'ai révisé. Y'aura jamais de négro à l'Elysée. Leurs équipes pistent sang à profusion. Et leurs toits ont toute la chenée confusion. J'joue pas, moi je les enterre. Avant la fin du temps réglementaire. Des couilles grosses comme la terre. Sur la vie de ma mère. J'suis là depuis la guerre. C'est toute l'année la guerre. J'suis dans mon 80 autres. J'suis dans mon 80 autres. J'suis dans mon 80 autres. Mon 80 autres. J'souhaite la mort à tous ces deux traits. Tu le détruis, on le retrait. Si t'es pas prêt, reste en retrait. Mais là, à gauche, les chefferies. Le son est sali, pas secret. Numéro 1, y'a pas de secret. J'suis dans mon 80 autres. Mon 80 autres. Mon 80 autres. Mon 80 autres. J'suis dans mon 80 autres. Mon 80 autres. T'entends dangereux parce que je n'ai rien à perdre. Tes enfants de putain ne racontent que de la merde. Toute l'année Pushka, y'a plus vraiment de saison. On sort les Pushka, y'a plus vraiment de raison. Tout ce que je sais que je dois prendre cette arme. Tout ce que je sais que je dois toucher ces plaques. Tout ce que je sais que je dois vendre cette cam. Tout ce que je sais que je dois bouffer ces chattes. Je suis à l'origine, je le souligne, je le surligne. Je suis à le régime, je leur fais la guigne. Vladimir Poutine, elle remplit son jean. J'ai la baramine. J'ai traversé ce game au pas de course. Ils recherchent les empreintes d'une patte d'ours. Ça pète pète la cesse comme des gogoles. Mélange alcool, ça respecte plus les flèches au sol. C'est pour que la départementale de Boboche rentre dans le terre-plein central. Juste quelques fractures occipitales. Car je suis un grand sentimental. J'étais dans le 4x4. T'étais encore sur ton dos. Il pue tellement que quand je les prends à 4 pattes, je leur vomis sur le dos. J'suis dans mon 80 autres. J'suis dans mon 80 autres. J'suis dans mon 80 autres. Mon 80 autres. J'souhaite la mort à tous ces deux traits. Tu le détruis, on le retrait. Si t'es pas prêt, reste en retrait. Mais là, à gauche, les chefferies. Le son est sali, pas secret. Numéro 1, y'a pas de secret. J'suis dans mon 80 autres. Mon 80 autres. Mon 80 autres. Mon 80 autres. J'suis dans mon 80 autres. Mon 80 autres. La planète rap nocturne sur Skyrock. Ok, cœur smooth, Mamadou Lucas, 4-3-2, yeah. Crime derrière le cockpit. Goûter la merde afin

l'esprit damné. J'ai dépassé tous mes ennemis, me reverront jamais. Jamais, jamais. Je prends mes sous dans le rap et me reverront jamais. J'ai pris des foncés sous Jack avec une grosse feuille d'armée. J'ai dépassé tous mes ennemis, me reverront jamais. Jamais, jamais, jamais. L'Homo Bob 2015. Gradure, jamais à l'instant dans la nocturne 100% rap français. Français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Morale, c'est-à-dire que la guerre, c'est pour la paix. Avec nous, c'est jamais fini. Trouve-moi 60 piges en bas de chez toi avec un EZ. Personne a les yeux bleus. Chez nous, à part un husky, Colombine de I, y'a que sur la blanche qu'on fait du ski. On fait tout ce qui est violent, j'aime. Ta clique fait du violoncelle, du violoncelle. Clique pas, un coup on fait. Bang, bang. J'l'en fais moi-même, va pour justice. Charnière comme des hyènes. Fast, je n'ai qu'une vie. Dieu, je la dégaine et je dégaine. J't'attends à l'aéroport comme dans Taken pendant que je dégraine. Fils, je ne lâche jamais l'affaire. Zer, bien au fond pour l'affaire. Terre, Glock, Zer dans le RR. Main en l'air. J'ai trop de haine sur les côtes. Je ne veux pas en venir aux mains. Ce soir le calage direct. Très coléreux sont les nôtres. Vivez et swap sont mes diamants. Peu onéreux sont les vôtres. J'sens tellement d'amour au mien. Je n'en ai plus pour les autres. Bleu, blanc, rouge sur leur insigne. Je leur yole. Pas tant d'esclaves. N'ai jamais cambriolé. Petit, tu viens juste d'embryonner. Notre pays ne fait pas de prisonniers. Pas dans la tête. Squelette, squelette. J'ai du pain sur la planche habillée. Elle est violette, violette. J'suis maître renard. T'es belette, belette. J'suis plus un car 7, 4 jeune que Sky. Roulette, roulette. Écarté sur le chronic, chronic. J'peux reprendre ton flow, c'est moi qui te l'ai donné. Tosset, tosset. Bang, bang. Un peu de haine, un peu de banlieue, un peu de Jack dans les veines, un peu de chienne. AMG dit le CL 65. Pas de caprice ici, pas de femme enceinte. Jada, qui c'est. J'suis dans le G5 au-dessus de ta tête. T'es dans le qui c'est, qui c'est. J'ai trop de haine sur les côtes. Je ne veux pas en venir en main. Ce soir le calage direct, très coléreux sont les nôtres. Vivez les swaps sont mes diamants, peu onéreux sont les vôtres. J'tends tellement d'amour au mien, je n'en ai plus pour les autres. Bleu, blanc, rouge sur leur insigne, j'leur yonné. Pas tant d'esclaves, n'ai jamais cambriolé. Petit, tu viens juste d'embryonner. Nos pays ne fait pas de prisonniers. On s'est fait 2h du mat, shopping, Sidi Ibrahim. J'fume, rôde, arme de guerre, j'vais te faire pire que t'imagines. Même si je voulais jacter honneur aux dames. Nique sa mère courir pour être à l'heure au temps. Régler ses concernés, je préfère d'être un coup de chance. Ça fume trop de verre, j'ai la tout grosse. À part la mort, tout passe. Même en charentaise pour être mettre un coup de grâce. Et conseiller comme Caracas. Y'a un grand vide et juste le bruit ta carotasse. On flingue sur ta tombe, si ça c'est pas la classe. J'suis là pour briser des tchouans, non pas la glace. J'ai trop de haine sur les côtes, je ne veux pas en venir aux mains. Ce soir le calage direct, très coléreux sont les nôtres. Vivez les swaps sont mes diamants, peu onéreux sont les vôtres. J'tends tellement d'amour au mien, j'en en ai plus pour les autres. Bleu, blanc, rouge sur leur insigne, j'leur yonné. Pas tant d'esclaves, n'ai jamais cambriolé. Petit, tu viens juste d'embryonner. 9 de I ne fait pas de prisonnier.